lorsque Frère Franck est passé par des épreuves lourdes là, dans son assemblée, un groupe de ministres qui étaient venus là-bas avec la mission de purifier l'église. Comme il y a des dictateurs parfois là. L'église est pour toi, elle dort. L'église. Une opération de purification. Dieu nous a envoyé ici. Il y a beaucoup de désordres. Attendez d'abord que le Saint-Esprit purifie l'église. Il est allé s'asseoir. En train d'écouter. Après, il est prophétie sorti. Il a dit mon serviteur, j'étais appelé à être exactement ma foi. Maintenant, ordonne-moi pour moi au ministère, le couple est tel. Semble-t-il, la Bible a dit, ne méprisez pas les prophéties. Kotiola, retenez ce qui est pas. Quand il a examiné, il s'est laissé séduire par la première partie qui était faite. Il a dit que mon serviteur, tu t'appelles être fidèle, tu as fidèle, tu as fidèle, tu as fidèle, tu or, la suite, c'était un mensonge. Souka, il a la Bible. Il s'est allé faire ça. Il s'est passé une année et six mois. Il est qui, mon bout? Donc, certainement, le bout est allé prêcher. Ouana, va tu la chose même pour laquelle Frère Branham a quitté l'église. Il a refusé volontairement d'ordonner une femme au ministère. Ce n'est pas biblique. Non pas que Frère Franck ne le savait pas. Ils allaient dire que mais ça montre à quel point le diable peut. Il s'empare de quelqu'un. Quand Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit, tu as grandement besoin de la grâce de Dieu. Qu'elle te soutienne. Qu'elle te rende plus que personne comme la Bible a dit. Voyez, maintenant, après toutes ces épreuves, il avait même eu envie de se suicider. Il s'est isolé parce qu'il n'a pas pu comprendre comment il pouvait faire ça. Il a attrapé la folie ou quoi? Quand le Seigneur est venu l'égresser, mon serviteur examine le livre des actes des apôtres. Il ne sera pas fait une femme n'a jamais été ordonnée au monde. Moi je l'ai fait. Il a lu tous les livres. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Miséricorde. Ah oui. Alors il dit ceci. Alors, oui, oui. Vous ne pouvez pas vous représenter les effets que ça fait à un homme qui a été appelé pour faire un travail pour Dieu, mais qui ne voit plus aucune possibilité de faire ce travail. Désespéré à ce point. Et pourtant, l'appel est là. Et ça devient intenable. Deux fois dans la marche, nous avons besoin des renforts d'ici. Des réconforts venant de sa part. Oui. La deuxième personne qui a parlé de son appel et de ce fait de cela, c'est l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, nous l'avons lu ici. Regardez ce qu'il y a eu. Il dit, le 16 à 18, j'annonce l'évangile. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Voilà que quand un homme est envoyé de Dieu, il ne cherche pas sa propre gloire. On ne fait pas de l'évangile l'occasion de popularité. On se fait reconnaître. Ah, beaucoup me connaissent maintenant, hein? Beaucoup me contactent. Qu'est-ce que la voix? L'évangile n'est pas un sujet de gloire pour l'homme. Mais nous devons glorifier Dieu. Chercher la gloire de Dieu qui nous a fait. Que lui soit glorifié et non pas toi l'homme. Hein? Car la nécessité m'en est imposée. Nécessité. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ce n'est pas le faire, c'est devenir malheureux. Jérémie l'a dit, il y a comme un feu. Je ne parlerai plus en son nom. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a un feu là partout dedans. Il y a fermé dans les eaux. Je me force de le contenir. Mais je ne le peux pas. La pression de l'affaire. Quand ton créateur a parlé, ta voix est majestueuse. Et le Dieu a le pouvoir, dit la Bible, de s'assujettir toutes choses. Mettre à lui tout. Même l'homme qui hésite, l'homme qui refuse, Dieu a le pouvoir de le soumettre. Ce Saul de Tarse était un persécuteur de l'Église. Quelqu'un qui ne voulait même pas entendre parler du nom de Jésus. Mais comment pouvait-il en devenir prédicateur? Il doit y avoir un Dieu capable de soumettre tout. Il rappelle à sa volonté. Sachez que Dieu a ses pouvoirs de soumettre n'importe quoi. Et moi, quand je me regarde des fois, j'ai pitié de moi-même. Quand je vois dans mon adolescence comment je maudissais le message de Branham, et je battais campagne contre le message. C'est des histoires sataniques à cause de la religion protestante dont j'étais. Et je disais aux gens que c'est diabolique. D'ailleurs, leur prophète là était maudit. Il est mort dans l'accident. C'était une malédiction. Ça montre que Dieu n'était pas avec lui. Et je battais campagne comme ça. Depuis l'école primaire. Jusqu'à l'école secondaire. Aussi téméraire comme j'avais ma petite intelligence en classe, devenir contester avec moi. J'étais le premier de la classe. Donc, je continue à débattre à Colomba Yukak. Maintenant, je profite de ça pour malmener les gens. Quand il y avait des frères qui passaient par là, je persécutais. Je me moquais d'eux. Pendant la récréation, je partais ravir les journaux de classe. Je me moquais d'eux. Vous êtes yuma, binon. Vous avez yuma. Vous êtes stupide. Ils sont là vraiment des idiots. Et je criais, je comme ça derrière le couloir. C'est pitoyable ça. J'ai dit, tous vous mourrez maudits. Vous avez des accidents, vous. Nous sommes les croyants de la Bible, frère. Oh, que Dieu ait pitié de nous, hein. Il a pardonné le péché d'un homme comme moi. Des offenses pareilles. Je sais ce que c'est que la grâce de Dieu. Ne confondez pas la rigueur à la sévérité. Je suis un fervent croyant de la grâce de Dieu. Je sais ce qu'elle est. Je sais ce qu'elle peut faire. Elle peut changer un homme. Amen. comme du noir au blanc. Paul était un persécuteur de l'Église. Moi, je ne suis pas allé jusqu'à attaquer les églises. Mais des frères qui étaient élèves dans les mêmes conditions. Je ne vais pas faire ça. Dieu nous parle. Quelle moquerie. Quelle tentation. Mais aujourd'hui, tous convertis. Devenu prédicateur de ça. Ce que je combattais là, c'est ce que je défends. Parce que Dieu a le pouvoir de s'assujettir et soumettre à lui tout ça. Même pour tes enfants. Pour les membres de ta famille, les frères et sœurs, généalogie. Réclame ces âmes-là. Adivine que pourra le changement est possible. Car Dieu qui est ton Dieu a le pouvoir de s'assujetter sur toi. Paul dit que je prêche l'évangile pour ma gloire. Un homme qui persécute comme ça, mais il est presque arrivé si je réponds, non? C'est qui l'ont connu avant, mais il est à la bataille. Il est à la bataille. Miséricorde. Dieu a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Il n'y a rien qui puisse échapper à son pouvoir. Rien qui puisse échapper à sa domination. Quand Dieu tient à dominer, il dominera. Il est après tout le Créateur. Je crois que vous comprenez. Si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est imposé. C'est une charge de prédicateur. C'est Dieu qui lui a confié. Et il le faisait malgré lui. Pourquoi? C'est la pression de l'appel. Quelle est donc ma récompense? Sachant que je ne l'ai pas voulu. Je ne l'ai pas réclamé. Je ne serai jamais exigeant. Il n'a pas de place de poser des conditions. Les réclamer ceci et cela. Et les marocains d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans juger de mon droit de prédicateur de l'évangile. Êtes-vous là? Quand vous êtes appelé, vous ne voyez que la vérité à proclamer. C'est la vérité d'amour. Dites la vérité avec sincérité. Dites la vérité au nom du Seigneur. Et Dieu s'occupera de tout. Dieu s'occupera du reste. C'est la manière si simple que Christ utilise pour faire avancer son âme. Maintenant, William Branham, dans sa petite enfance, il vous raconte une expérience que vous aurez joie de découvrir. Une expérience d'appel qui ne définit pas très précisément un ministère, mais qui lui annonce un travail qu'il devait faire. Dans le sermon, le principe de la guérison divine, prêché le 23 septembre 1951, le paragraphe 44, deuxième. Prenons juste l'extrait là. Ici même chez Watten. À Utica Pike. Quand je transportais de l'eau dans deux petits seaux à sirop. dix buissons se fait entendre un son. Wana na moto yokani mangongo moko. Frère Branham émet un bruit de vent. Je n'ai pas vu de feuilles bouger sous l'effet du vent. Nulle part. J'ai levé les yeux dans l'arbre. On dirait de la taille d'un tonneau. Parcourant l'arbre. Et de là a retenti une voix audible disant: ne fume jamais et ne bois jamais, ni ne suis ton corps d'aucune manière. Il y aura une œuvre pour toi à accomplir quand tu seras devenu plus grand. Vous entendez ces paroles? Oui, oui. Elles se sont passées à un endroit précis. Le nom du coin est connu. Les effets de cela sont décrits. C'était Dieu appelant William Branham. William Branham. Ça, ce n'est pas l'appel à croire l'évangile pour avoir la vie éternelle. Ça, ce n'est pas l'appel à croire Jésus-Christ pour avoir le salut de l'âme. Mais ça, c'est un appel au service divin. Mais je ne sais pas à partir de cet appel ici. Si vous, vous êtes capable de m'aider, cette œuvre serait quel ministère? Rien que ça. Il y aura une œuvre pour toi à accomplir quand tu seras devenu plus grand. Il y aura une œuvre pour toi à accomplir quand tu seras devenu plus grand. C'est quel ministère? Parmi les cinq. Oui. Rien que ça. Moi, je vous dis que c'est un appel. Parce que dans l'appel de Dieu, Dieu nous sépare du tout. Il veut nous distinguer pour faire de nous différents de ce que nous semblons. Il a dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est pur de ce qui est pur, ce qui est vide de ce qui est pur, alors tu seras comme ma bouche. Amen. Il y a un appel ici à ne pas scier son corps. Bien que tout jeune, il pouvait aussi scier son corps. Mais le Seigneur Dieu, son créateur, lui dit, ne pas scier son corps. De ne pas boire l'alcool. De ne pas fumer la cigarette. Pourquoi? Parce qu'il y a une œuvre qu'il devait accomplir quand il sera devenu plus grand. Parmi les cinq ministres, ça donne à frère Branham quel ministère? Apôtre, Thomas, prophète, Moussakoli, évangéliste, Sango, docteur, Molakisi, pasteur, Mobateli, Tomokengeli. Je vous rappelle, tous les cinq ministères, quand vous voyez dans Ephésiens 4, le verset 12, tous les cinq ministères, ils ont quel but? Pour le perfectionnement des saints, en vue de quoi? De l'œuvre du ministère. Quel ministère? Qui est mentionné au verset 12? Est-ce que c'est l'un des cinq qui sont là-bas, au verset 11? Ou c'est un autre précis ici, au verset 12? Il est parlé de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'œuvre du ministère. Lequel? Quel ministère? Voilà le tout ministère. Pour l'église, vous devez avoir la réponse. C'est le ministère d'apôtre? De prophète? D'évangéliste? De docteur? Ou de pasteur? Qui est mentionné au verset 12? ce n'est aucun de ces cinq-là. Les aliments pris séparément. Donc, l'ensemble des ministères doivent refléter, conduire à l'œuvre du ministère. En d'autres termes, le ministère de celui qui opère tout en tous. De celui qui agit par la porte, par le prophète, par le pasteur, par les docteurs. Le ministère de celui qui opère ça. Il y a quelqu'un qui opère dans les apôtres. Et le même opère dans les prophètes. Le même opère dans les docteurs. Le même opère dans l'évangéliste. Et dans les pasteurs. Lui et lui seul. Malgré la diversité des ministères, il y a un seul qui est à la tête. Il y a un seul qui agit. Que l'écriture parle d'elle-même. 1 Corinthiens 12. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 5. Surtout, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Pris séparément par rapport aux hommes appelés de Dieu. Quel que soit leur nombre, il y a diversité de ministères. Les apôtres diffèrent des prophètes. Les prophètes diffèrent des évangélistes. Les évangélistes diffèrent des pasteurs. Les pasteurs diffèrent des docteurs. Diversité. Et même entre les pasteurs, il y aura toujours des nuances. Il y a des différences. Mais dans tout cela, le verset 5 dit, il y a diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur qui donne force à chacun de ses ministères d'opérer et de s'exercer. De sorte que pris par rapport à lui-même, il n'y a qu'un seul ministère. Le ministère de Jésus-Christ. Qui est l'œuvre de Dieu. Régulier. C'est Dieu, le ministère de Jésus-Christ. Très bien. Maintenant remarquez. Lorsque ce prénom est appelé dès sa jeunesse, on lui annonce une œuvre accomplie. Car il sera devenu plus grand. On peut le lire dans une autre. Oh là là. Il a dit ici, dans l'histoire de ma vie, prêché le 19 avril 1959, par la grâce française. Ah bien, je me suis remis en route. Je me suis encore retourné pour regarder cela. Et à ce moment-là, une voix humaine, suivez, tout aussi audible que la mienne, a dit, ne bois jamais, ne fume jamais, et ne suis jamais ton corps d'aucune manière. Tu auras une œuvre accomplie quand tu seras plus âgé. Eh bien, cela m'a flanqué une peur bleue. Vous pouvez vous imaginer comment un petit garçon pouvait se sentir. J'ai laissé tomber ce chaud et j'ai détalé pour rentrer à la maison, en tout en criant à toute tête. Il a jeté le chaudeau, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Il vengeance à la maison. Vous direz, l'enfant qui a perdu la tête, il vient d'entendre la voix du Créateur. Dieu est son Créateur et aussi son Seigneur. Qui lui dit des choses auxquelles il ne pouvait pas penser. Inimaginable. D'une voix humaine, aussi audible que la mienne, parlait exactement comme cela. Et lui a entendu précisément. Quand il a commencé à grandir, mes chers amis, Malinga, les passions de la jeunesse sont venues, les pressions des amis scolaires sont venues, pour le pousser à fumer, pour le pousser à boire. Un jour, c'est son propre père. Il était un contrebandier d'alcool. Il a dit, tu es un garçon fils aîné, mais tu es un garçon comme un féminin. Vous allez vous l'aimer, vous allez vous l'aimer. Il est venu là, c'est lui. Allez, toi aussi, prends, prends le vin, prends. Vous savez quand votre père passe. Prends. L'enfant est... Hé, c'est lui quoi? Allez, venez, ni. Allez, bois. Et là. Venez, prends le vin. Donc, on a vu, à ce moment-là, qu'il y en a un moqué. Obéir à papa. On a couteau ça, dans le vin, tatanaï. Il mira. Pendant qu'il approche le vin. On a vu, comme le message, mais qu'il y a moqué. De la bouche, hein. Dans mon oco. Il entend les mêmes bruits. Ayoki, ma kéré le moko. Le bruit qu'il avait entendu, le jour qu'il a entendu la voix. Ma kéré le kaki, mon gongo. Ça lui a rappelé ce que la voix lui avait dit. Et bandini, ça a répété cela. Monsieur, les décours, les bruits là, les signes là. Involontairement. Les mains de la femme commencent à trembloter. Le verre a quitté les mains. Le s'est écrasé sur la table. Na la bière s'est renversée. Son père a crié sur lui. Le genre de féminin pour m'y aller. Il y a un garçon, une petite fille. Comme il ne pouvait mouiller. Qu'est-ce que fait? Dieu a le pouvoir de s'assujettir toujours. Quand il vous parle, il veille sur ce qu'il a dit. Pour l'exécuter lui-même. Veillez à ce que ça se confirme. Empêchez que le mal ne se commette. Amen. Ça, c'est la grâce. Vous appelez ça grâce? Oui, c'est la grâce. Branham pouvait tomber. Si seulement Dieu n'avait pas déclenché le bruit là. N'allait-il pas tirer le vin? Peut-être que jusqu'à se saouler. Tu es ce que tu es. Comprenez ça et ne vous vantez jamais. Ne devenez jamais orgueilleux de l'unité de personne. Sachez que la grâce de Dieu a sa place. Et sa valeur et son impact. Un jour, on traque toujours à l'école et on s'appelle. Quel genre de jeune garçon? C'est un PD? Il n'aime pas de filles. Abîme la capacité. Lui aussi, c'est du quoi? Bon, je vais aussi sortir avec une fille. Et là, on commence à fréquenter une fille là. Bon, pour être conforme aux gens, c'est ce que moi. Parfois, c'est ce qui arrive à vos enfants. Hein. Tant que vous ne comprenez pas ce qu'il y a autour d'eux, vous allez crier des fois. Essayez de sonder tout autour, savoir qu'est-ce qui se passe. Mais et coupez l'arbre à partir de ses racines. Parce que tu es magnifique. Qui filmait alors terriblement. Même pas il sait. Azalinde ko mosite katin kleza. Elle fume la cigarette. Benda likaya. Elle vous met ça au visage si vous voulez bien. Kubaki l'on est le monsieur qui l'ingi à Bendi. Abaki. Alors voilà, moi je suis en train de parler d'histoire et tout. Alors. Mais toi, mais pour qu'on sorte, toi tu ne filmes jamais. Branham a eu honte, il a mis la tête comme ça. Alors qu'il s'en est, à tiens, mon tour assez. Là, il essaie de lui dire. Et je suis né sous ce site. Oh, quel signe! Alors, bien, vous savez, il est mort, il est mort, c'est qu'il y a des roubans. Allez, prends! Alors, maintenant, lui, il cherche à plaire à une fille. Vous voyez comme les garçons qui sortent avec les filles, ils commencent à se faire obéissant. La musique, il dit des choses. Reprends. Abidjan. Ok. Mais la frère Branham dit, dans le cœur, ça refuse. Alors, mais pour lui prouver que j'étais un garçon, voilà, j'ai signé des phrases. Super, si Nigo, quand il veut encore approcher comme ça. Les mêmes bruits, il reprend. La cigarette a quitté les poings. Elle est tombée par terre. Branham est resté bouche bée. Comme un homme paralysé, tétanisé. La fille dit quoi? Moi, ça l'oublie nini. Tout ce qui est en train de faire. Tout le cas. Longa. Mais qu'est-ce que c'est avec moi? Mais tout il a commencé à parler. C'est malgré lui. Dieu a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Il a pleuré de honte. Allez, il est lié sur la route. Voilà, et il est rentré là-bas, larmes aux yeux. Alors quand on essaie de poser des questions, il devenait mieux, il ne savait pas quoi dire. Allez, bitia, lo, bloqué. Il ne comprenait pas le genre de vie que lui devait mener, pendant que l'autre jeune comme lui, il faisait la vie librement. Il avait finalement l'impression de ne pas être un homme complet. Alors un jour, il est allé en Allemagne. Comme là-bas, il boit de la bière. Des fois, c'est ça leur coup. Il y a du vin à table et tout ça. Alors, il était là, on a servi de prédicateur. Il ils ne sont pas terminés parce que lui ne prenait pas. Ils l'ont remarqué. Lui n'a rien dit. Il était seulement assis là-bas avec eux. Ils font communier, on parle un peu de l'église. Et les gens ont remarqué que lui ne prenait pas ce qu'eux prenaient. Ils ont commencé à murmurer. Et lui, il est venu demander. Bon, frère Branham, nous avons constaté que vous ne prenez pas les gens. Alors, pour ne pas les gêner. On a quoi? Il leur dit. Alors, oh non, vous pouvez continuer à boire. Bon. Je suis mes sous-effets. Maintenant, des prédicateurs et circoncis prennent ça. Il dit, frère Branham seul ne devait pas boire le vin. Parce qu'il a dit là-bas en Allemagne que lui était né sous un signe. Nous ne sommes pas nés sous un signe, on ne doit pas nous interdire de boire. Pervertisseur. Ils ne comprennent pas que le message est son messager et son message sont un. Par la vie du messager, le message est prêché à l'âge. Ne les écoutez pas. Voyez le contexte. Abraham n'aimait pas blesser les gens. Ou attirer l'attention sur sa personne. Donc, quand des choses comme ça arrivent, mais à la fin, il n'a pas pris. Même pas pour paraître les achats, il n'a pas mis. Mieux pour obéir à Dieu plutôt que ça. Prenez le message et pratiquez-le. De la vérité présente, obéissez à ça. Dieu t'a promis par le Saint-Esprit qu'il te confirmera son message au fur et à mesure que les jours passent. Prends Dieu au mot et tu verras sa gloire. Dieu a appelé l'homme pour une œuvre. Mais l'œuvre en question, ça ne définit pas de manière particulière l'un des ministères. Mais ça nous rapporte au verset 12. Vous voyez la sélection spéciale du Seigneur pour un serviteur qui devait utiliser de manière particulière. Comme aussi on peut voir dans Esaïe au chapitre 28. Êtes-vous prêt? Esaïe 28. Il est parlé encore d'une œuvre. Une œuvre devait se faire au temps de la fin, verset 21, Esaïe 28, verset 21, car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pératim, et il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange et pour exécuter son travail inouï. Ete akosala mosala na ye mosala na kokamwa ete ebongisa likambo na ye likambo na kokamwa. Dieu a promis à l'église. Nzambe alakaki yango na eklesia. Et pour une église épouse de Jésus-Christ. Ça doit s'accomplir. Ça doit se réaliser dans la phase finale. Mais avant que nous atteignions cette phase finale, il fallait un serviteur échantillon à travers lequel Dieu allait montrer ce qu'il va faire. Projeter les bases et justifier la foi de ceux qui croiraient dans cette vérité présente conforme à la promesse. Et si vous êtes attentif, ça vous renvoie au troisième pôle. Le troisième pôle du ministère. Pour le ministère de Jésus-Christ dans son église. Bénissons le nom du Seigneur. Pas le temps de fournir beaucoup de détails pour ça. Le temps est fini. Mais ici, on flash juste là. Il a continué à parler de cette œuvre. De son œuvre particulière. La lettre de, dans les actes des apôtres, chapitre 13, versets 40 et 41. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez-vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre. Une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Nabongo boke baese yango elobamina basakoli eyana bino te eti botala bino batoli bokamampe bolimo poete ngai nazali kosala mosala moko na mikolo na bino mosala mokondima bino te ata moto akolimbola yango na bino polele. Voyez-vous bien aimé? Les prophètes l'ont dit. Les arrogants peuvent continuer à être arrogants. Moi, j'étais l'un de ces arrogants. Par mon protestantisme, j'ai dit l'ignorance complète. Il a pardonné nos iniquités. Nos péchés du passé. Il peut accueillir encore tout rebelle. Tout péché repentant. Dieu peut le réparer. N'ayez pas honte. Vous allez la sonité. Acceptez son appel. Bon, dit, m'en venez à lui. Cessez l'arrogance. Cessez l'orgueil. Renoncez à l'infidélité. Il y a une vérité présente de l'Église. Écoutez-la et obéissez. Amen. Amen. Amen. Il y a une œuvre particulière qui va se distinguer. Une œuvre de Jésus-Christ qui devait se faire dans l'église. En ce temps de la fin. Et dans le cadre de cette œuvre, Luc 17:30 devait s'accomplir. Là, il ne s'agit pas de l'un des ministères de Ephésiens 4:11. Mais nous sommes amenés à Ephésiens 4:12. L'auteur de l'œuvre, utilisant un racheté, pour reproduire son ministère, le ministère du système, qu'il avait exercé à Sodome, et à Abraham, et qu'il a exercé dans le corps de Jésus-Christ, en Israël, en Nazareth, en Nazareth, en toute la Galilée, à Jérusalem, discernant les pensées de Dieu, les propriétaires de l'Église, s'emparerait d'un corps. Impossible ça. Quand cet homme sera plus âgé, quand il sera plus grand, et le même auteur, qui est l'agneau rédempteur, mentionné dans le livre prophétique d'Apocalypse, lui qui avait pris le livre des choses, c'est lui le chef de l'œuvre, l'autorité suprême, il devait référer les choses. Ça c'est inouï. Voilà pourquoi Frère Branham dit, notre message, c'est le message de l'évangile que vous avez entendu tous les jours de votre vie, mais seulement auquel a été ajouté la révélation de cette chose. Alléluia. Dans les années préparatoires, en 1933, en 1962, il a fait l'œuvre de l'évangéliste. Et là-bas sur le champ de mission, il veillait à ne pas blesser les gens, à prêcher les vérités générales de l'évangile. L'évangile tel que l'ensemble des églises le croyaient. Et vous avez plein de ces prédications-là. Prêcher à Klamath Falls, en Californie, California, à Karlsruhe, à Lausanne, en Suisse, pour en Afrique du Sud, à Dubaï. Vous voyez tout ça? Il y a des prédications. Mais dans lesquelles certaines vérités que Dieu a établies dans cet âge ne pouvaient pas y être annoncées parce qu'on trouvait les terrains d'attente dans le cadre évangélique. Mais quand il retournait à Jefferson, là où le Saint-Esprit l'avait établi, c'était sa propre église. Il avait le droit de prêcher librement tout ce que Dieu lui mettait à cœur. Voilà pourquoi les sept sœurs ne pouvaient être prêchées qu'à des personnes. Voilà pourquoi Marie est divorcée. Et la parole paraît. Et le signe devait être prêché primordialement à des personnes bien. Les aigles suivent ces choses dans leur contour. Et quand je prends une prédication, je vérifie d'abord qu'elle était prêchée. C'est sciemment. Si certaines choses ne sortent pas dedans, je ne dirai pas que le prophète n'a pas prêché. Mais je comprendrai pourquoi il n'a pas passé par la parole. Car ce n'était pas l'endroit. Ce message est une nourriture trop concentrée pour les dénominations. Si vous l'allez donner sans ménagement, ça va leur donner les troubles derrière. Ils seront plus marchés. Alors que c'est la parole vérité présente qui permet aux aigles de cet âge de marcher d'un pas ferme, d'aller de progrès en progrès. C'est la parole des jours qu'il nous faut entendre dans ce message. Mais les dénominationnels vont craquer en temps. Ils seront désorganisés. Brother Nama dit même que si la vérité sur mariage et divorce est prêchée, cela mettra en pièces les églises. Alors il est venu prêcher ça au Brother Nama. Maintenant, plusieurs assemblées aujourd'hui sont plus dans les courants de croyances dénominationnelles. Malheureusement, ils s'opposent à la vérité présente. Et ça ne sont pas votre cas. Vous là, Au commencement, Dieu avait fait un couple de chaque espèce. Mais nous ne sommes plus au commencement. Nous sommes au temps de la fin. Et après le commencement, qu'est-ce qui s'est introduit? Où ça? Partout. Vous allez faire de moi votre ennemi, hein? Je vous dis la vérité. Vous voulez toujours les déterminationnalistes. Vous voulez toujours les croyants et les groupes de prière. Le problème dit, mon ami catholique là-bas. Je crois que c'est catholique dans les assemblées. Comment pouvez-vous dire que quoi est le mariage? Vous allez pour le catholique. Les prêtres même font des tripotages. Ils font une femme qui était déjà déclarée vierge de nouveau. C'est un mariage unique. Les esprits frauduleux. Sortez des déterminations. Enlevez les conceptions là. Dieu a introduit la polygamie. Partout. Oh, tu n'aimes pas cette vérité, mais c'est ça la vérité. Amen. Vous n'avez pas que le frère David dans un bon. Notre devoir, c'est de dire la vérité. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Amen. Si ça va mettre la paix dans l'église, c'est que ce sont les églises. Déterminationnelles. Faut qu'ils pensent ma sœur à moi, et là ma sœur déterminationnelle. Amen. Les aigles dans cet âge croient tout ça. Amen. La continuation de Dieu. Alléluia. Amen. Bravo Seigneur. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que et combien amène ma paix? Tamina Wasikoyo. Vous bimez l'écran clairement. Dans ce cas, mène côté bâtisse. Jamais. Au moins, hein? Que Dieu nous aide. Jamais, que Dieu nous aide. Pourquoi on va faire un message, Mais donnez moi le message. Quoi le message, non? Maintenant, quand on va dire là, il y a un trou libre. Quoi, vini? Où est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que ce mot t'a fait? Voilà, le mot. Vous avez construit avec ça? Vous allez compter avec vous, Pana. Vous avez la journée. Vous venez en gros. La parole est fixée. Nous avons dit Ava. Amen. Mais ce n'est pas synonyme de la débauche. Ils ont dit que c'est nous battre. Oh, vous allez qui n'a eu dans moi les cas où qu'on a, nous avons profité. Donc on peut après mon limoan. Pourquoi toka? Il faut prendre la parole. À sa place, l'appliquer correctement. Et vous servir sa mère à la parole. Tu ne peux pas vous asseoir là comme des dénominationnels. Vous allez surveiller maintenant les mots que le prédicateur. Vous allez faire le vanini, vous allez faire le va. Ce qu'on va faire, c'est bon, monsieur, son âme, il m'a dit. Bon. Miséricorde. Mawa. Ce qu'on va faire, c'est pas qu'on va faire le vanini. Polygamène, on va faire le vanini. C'est le Kindumba qui amène les papes que vous avez là. De l'infidélité des hommes. Vous ne voulez pas être sincère. Votre mari, s'il n'est pas sincère, a tout cocaté. Mais appliquez la parole. Vous voulez rester dans une doctrine catholique, mais en même temps, vous continuez à plaider. Et l'homme aussi hypocrite, vous lui dites appliquer la parole. Mais c'est le Kindumba. Arrêtez le Kindumba. Nous sommes à Galibane, nous sommes là. Balaï ami balaye, on joue au gâté. Le ciel n'est pas pour les hypocrites. Non, les n'avez pas battu l'ami balaye. Voir le bien tiré. Peut-être prêt à parler encore. Amen. Vous venez pour la première. L'ami dit. Voir le bien tiré. Dans Abraham restauré. Na Abraham au azon samitika. Abraham restauré. Abraham au azon samitika. Mon dimanche au azon samitika. Il a dit, hein, je préférerais me tenir devant Dieu. Avec trois ou quatre femmes que j'ai épousées légalement. plutôt que avoir une seule femme et de sortir avec la femme de quelqu'un d'autre. J'aurais plus de chances d'entrer au ciel. Allez, qui dit amen à la vérité? Amen, amen. Oh, le bilay, Abraham a restauré. Restauration, restauration, le bibongo. Oh, tu as salaché derrière. Que Dieu aussi go salaché derrière. Tant que nous sommes tous comme matériel, il y a eu sa hérédité. Quand le frère Branham a salé, et Dieu nous aide là. Dieu nous aide. Amen. C'est ça. Voilà. Répentez-vous et croyez-les. C'est bon. L'anima l'amour. Très bon. Nous aimons la parole. Nous sommes tous les deux. Le gouvernement est appelé Aïneuf. Le gouvernement a bien gagné. Je pense que, bibliquement parlant, nous avons à peu près une idée. Vous allez dans l'éternité. C'est l'ordre pour laquelle le Seigneur devait sélectionner son prophète. Le mettre à l'écart de tous ceux. Parce qu'il voulait passer son propre message. Non, à travers des mains impures. Ou une bouche qui la coiffe de ma liberté. Mais à travers un naturel écossais. Et le passage appelé par Dieu lui-même, mis à part pour le service divin. Que Dieu soit béni. Amen. Vais-je devenir votre ennemi? Non. Vous comprenez? Sentez-vous à l'aise chez vous. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Et nous nous devons pour la prière. Mon témoin, Gaitango Nyonso Nako Bangabe, Natembe Mingi, Enabolembobe, Ikampiko. Bobiki se akolongi sayo, o sakiyo, o kandima, o kamanan kembo, na yisalango yana, makansi yesu, kizangi suka. I campi con a camana di camisenti so che io dimmi na motema o solo solo goia na ma canse Gesù colo mi sangue suca. I can be called a kamana, a kamana, a kamana, so ke yon di mi, na mo temo, o lembe me, komana yo te kayan don deko, na ma kolona, yes, ka banga te, o mi pesa. Ye akolo dola mawana yo, o saki yo. Akandima, akamana kembo, kona ye salogoyana. Ma cause Yesu, e dangi soka, i campi coro, a camana beca mi se, so che io dimmi, na morte mo, un solo, solo goya, no. Ma cause Gesù, sei tangi suca, i campi coro. A camana, o camana, di camise, Prions chacun. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, à toi, tel que je suis, apprends-moi. Longtemps, je suis loin de ta femme, mais provoquer sans un courroux. Fermer mon cœur à sa grâce, à se blesser, le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, auprès. Oh Jésus, à toi je sais, je veux être que je peux être libéré de ton péché qui m'enseigne, et à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, apprends. Alléluia, alléluia, plus de Dieu. Pardonne-moi tant levé. Pour le ciel, je suis en haut. Oh, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, apprends-moi. Dieu notre Père Céleste, merci infiniment pour ton amour, pour ta vérité redressée, la grâce restaurée, l'amour divin rétabli. Seigneur, tu es le même. Libère le cœur de tes enfants de toute forme d'infidélité, de l'incrédulité contre la vérité présente. Libère nos cœurs que nous soyons croyants. Ôte les doutes, l'esprit d'incrédulité. Ôte cet esprit dénominationnel. Fais de tes enfants de vrais croyants. Rétablis en leur position. Fille d'Abraham. Croyant selon Dieu. Croyant chaque vérité de Dieu. et les prédicateurs de l'évangile, faisant des ministres restaurés, qui ont pour devoir premier de ne proclamer que la vérité dans l'amour divin et avec sincérité, parlant de la part de Dieu et de la devant Dieu. Comme la parole est écrite, nous voulons lui obéir. Nous voulons la pratiquer. Aide chacun de nous, Seigneur. Car tu prouves que sans toi, personne ne peut rien faire. Si ta grâce lâche, n'importe quoi peut arriver. Mais nous revenons à ta grâce. C'est elle qui est source des salut. C'est elle qui est notre protection. Pour tomber contre les tentations. Et vaincre chaque bataille. Résiste contre les portes de soutenement. Soutiens ton église, Seigneur. Affermis-la dans la foi. Débarrasse-la des immunistes, de toutes les souillures du monde, toutes les croyances sales, toutes les choses incommodes. Lave-nous dans le sang, pour que nous soyons saints devant Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tu es de vérité, nous te prions ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir dans la grâce de Dieu, et que Dieu vous bénisse.